Deuxième partie, chapitre sixième de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Deuxième partie, chapitre sixième. Des affections et des résolutions. Troisième partie de la méditation. C'est par cette vive attention de l'esprit que la méditation excite en notre volonté tant de bons et saints mouvements, tels que sont l'amour de Dieu et du prochain, le désir de la gloire céleste, le zèle du salut des âmes, l'ardeur à imiter la vie de Jésus-Christ, la compassion, l'admiration, la joie, la crainte de déplaire à Dieu, la haine du péché, la crainte du jugement et de l'enfer, la confusion de nos péchés, l'amour de la pénitence, la confiance en la miséricorde de Dieu et les autres affections dans lesquelles l'âme doit s'exercer et s'épancher le plus qu'elle pourra. Si vous voulez vous aider de quelques livres pour vous en instruire mieux, prenez le premier tome des méditations de Don André Capiglia et lisez-en la préface, car il y enseigne l'art de s'exercer en cette pratique, et le père Arias le fait encore d'une manière plus étendue dans son traité de l'oraison. Il ne faut pas, pourtant, philoter, s'arrêter si fort à ces affections générales que vous n'en formiez des résolutions spéciales et bien particularisées sur le règlement de nos mœurs. Ainsi, la première parole de notre Seigneur sur la croix produira en votre âme le désir de l'imiter sur le pardon et l'amour des ennemis. Cela est peu de chose, si vous ne formez votre résolution en cette manière. Eh bien, je ne m'offenserai plus de telle et telle parole fâcheuse de la part d'un tel ou d'une telle, ni de tel et tel mépris que celui-ci ou celle-là fait de moi. Au contraire, je dirai ou ferai telle ou telle chose pour adoucir l'esprit de l'une et pour gagner le cœur de l'autre. Voilà, philoter, le vrai moyen de vous corriger promptement de vos fautes. Au lieu que vous n'y réussirez avec ces affections générales, que difficilement, fort tard, et peut-être jamais. Fin du chapitre sixième. Deuxième partie.